C'est l'Europe qui est mise à genoux. On ne peut plus parler de la politique indépendante et stratégique de l'Europe. Il n'y a plus de questions. Et où le ministre de la Défense américaine, M. Austin, il y a un an, là où la discussion sur la nécessité d'envoyer plus de troupes américaines en Europe, lui, il a dit que c'est à nous, à Washington, de décider. Donc, les Américains n'ont pas l'intention de poser les questions à l'Europe. De notre côté, nous avons fait nos conclusions. Et bien sûr, nous allons faire les mêmes conclusions sur ceux qui ont joué le rôle de serviteurs de l'Occident pour lutter contre la Russie. Afrique Média, le monde, c'est nous.